Dorénavant, faut m'appeler Moïse, le libérateur du peuple hébreu. Tu conneries, oh, t'as oublié quand même qu'on t'a trouvé dans une poubelle flottante. On m'a peut-être trouvé dans une poubelle flottante, mais toi, ta gueule, on dirait comme la gueule d'un ornithorynque, quoi. Stop, stop. Écoute-moi bien, Pharaon. Libère mon peuple, c'est un conseil que je te donne, sinon mon Dieu, il va super se vénère. Si tu libères pas mon peuple, sa colère sera irrévocable. Ça veut dire que même avec des câbles, tu pourras rien faire, hein. Merde, tu me fais super peur, là. Ah ouais, non, Jeannot la breloque, là, glagla les bretelles, là. Je me suis dessus, là, j'ai le paquet aux fesses, là. Tu s'imagines pas ce qui t'attend, Pharaon. Je te jure que tu s'imagines pas. Tu sais, quand j'étais pas là, il m'est arrivé des trucs de ouf, hein. Un jour, j'étais en train de me balader sur le mont Sinaï. Hop, je vois la rousseau. Enfin, c'était une sorte de buisson orange en forme de la rousseau. Et là, elle s'est mise à peu près à me tenir ce langage. Moïse, Moïse, libère mon peuple, libère mon peuple. Et là, je lui dis, non, je pourrais pas au mois d'octobre. Et là, elle m'a dit, tu libéreras mon peuple au mois d'octobre ou en juillet, au mois de septembre.